réfugiés sont condamnés, les SDF sont sacrifiés. En France, les cons sont verts de gris. Ça sent la merde, ça pue le nazi. À l'Élysée, c'est la partouze. La droite, la gauche et les barbouzes. C'est un enfer démocratique. Viens, citoyens, c'est l'heure du hat-trick. Les fachos qui butent la gueule, les politiques que je dégueule, les fascisants sont au balcon, c'est la patrie du roi des cons. Monsieur le ministre, costard cravate, chasse les pauvres à coups de matraque, il mérite sa décoration. Le président, c'est un Macron. Aux enfants de la République, à l'Élysée c'est la panique. Pour la Macron identité, le jour des cons est arrivé. La France redevient pétainiste, le bon français est un raciste. D'élite faciès pour un migrant, affamé comme un chien errant. J'habite la rue des Chats-Perchés, en attendant l'éternité. Je traîne mon corps sur le pavé, ils font la fête à l'Élysée. Pour moi la vie ressemble à la mort, de cœur en cœur, en corps à corps. Et toi tu plonges dans ta psychose, comme un vieux chien qui a sa dose. Réfugiés sont condamnés, les SDF sont sacrifiés. En France, les cons sont verts de gris. Ça sent la merde, ça pue le nazi. À l'Élysée, c'est la partouze. La droite, la gauche et les barbouzes. C'est un enfer démocratique. Viens, citoyens, c'est l'heure de la trique.